De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est le moment de partir en Antarctique. Vous vous souvenez peut-être de Daniel Filion, ce jeune scientifique étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski. Il était venu cet automne expliquer sa préparation à une mission scientifique en Antarctique pour aller étudier un lac sous-glaciaire, le lac Untersee. Bien, Daniel est revenu de sa mission qui est autant une expérience scientifique qu'une expérience humaine. Et aujourd'hui, c'est cette expérience humaine qu'il nous raconte. Bonjour Daniel. Daniel. Bonjour Valérie. Alors, bon retour au Québec, ça doit faire du bien de revenir un peu dans ses pénates. Oui, ça fait du bien de revenir dans la civilisation quand même, là. Ouais, donc c'est toute une expérience humaine que tu as dû vivre. J'imagine que ça n'a rien à voir avec les premières missions en Antarctique de jadis. Non, pas du tout. Les premières missions, eux, étaient pas mal différentes. Puis je crois que c'était pas mal plus compliqué de se rendre en Antarctique à l'époque. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Une des choses que j'ai fait dans l'avion en me rendant en Antarctique, c'était de lire des livres qui racontaient un peu les premières expéditions, un peu pour me donner peut-être un avant-goût de ce que j'allais voir. Puis une des choses que j'ai remarquées, c'est les comparaisons qu'on peut faire à l'époque. Puis ça fait pas si longtemps que ça fait plus que 100 ans, c'était au début des années 1900. On y allait évidemment par bateau. Donc ça, c'est une grosse différence. Aujourd'hui, bien, on traverse l'océan en avion. Dépendamment d'où on veut aller en Antarctique, on va partir à différents endroits. Nous, on partait de l'Afrique du Sud, mais on peut partir de l'Australie ou du Chili. Donc, il y a différents points de départ comme ça. Mais ça fait que le trajet est beaucoup plus rapide et il y a moins de chances de se perdre. Eux, à l'époque, il n'y avait pas de GPS ou quoi que ce soit. Donc, souvent, ils se perdaient. En même temps, ils découvraient. Donc, c'était bien. Ils pouvaient faire des cartes. Mais ça voulait aussi dire qu'ils passaient l'hiver en Antarctique avec des équipements qui n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Donc, il y avait des maladies, il y avait des gens qui mouraient, il y en a qui abandonnaient. Donc, quand même des bonnes différences. Puis, c'était aussi une course un peu, hein. Donc, en plus de ça, il y avait une espèce d'ego, une espèce de pression de la part de leur pays de se dépêcher à trouver le pôle sud. Donc, ouais, non, des... Fallait planter un drapeau national quelque part. Exactement. Donc, c'était pas les meilleures conditions, c'était peut-être pas les meilleures raisons non plus pour faire ces expéditions-là, et c'est totalement différent de ce que j'ai pu vivre cette année-là, ou l'année passée, du moins. Ouais, alors venons-en à ton expérience à toi. Donc, tu es parti d'Afrique du Sud, comme tu dis. T'es pas parti tout seul. Vous étiez combien? Vous êtes rendu où en Antarctique et comment vous avez gagné ce fameux lac Untersee? Ouais, donc c'est l'itinéraire était un peu différent de celui auquel les gens qui vont en Antarctique sont habitués. Donc on partait de l'Afrique du Sud, là-bas on a rencontré le reste de l'équipe. Je partais avec mon professeur ici à Rimouski, André Pellerin. Puis en Afrique du Sud, on a rencontré les 5 autres personnes qui allaient nous accompagner. Donc au total, on était 7. Des gens qui venaient de plusieurs pays, donc on avait des gens de l'Autriche, on avait des gens des États-Unis, puis également une Italienne. Donc une belle équipe. On a passé quelques jours en Afrique du Sud. Il y a eu des délais également, puisque en Antarctique, bien la piste d'atterrissage est sur la glace. Puis ben il faut que eux ils s'assurent qu'il n'y ait aucune neige sur la glace pour permettre un atterrissage sécuritaire. Et là, quand il y a des tempêtes de neige, ben c'est une piste d'atterrissage au complet à déneiger. C'est long, puis le vent, il ramène la neige au complet sur la piste. Donc, il y a eu quelques jours de délai en Afrique du Sud. Et finalement, on s'est rendu par avion à la base Novo. C'est une base russe, essentiellement. Aujourd'hui, c'est opéré par des Russes et des Argentins. Puis, il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment là-bas. C'est pas une base scientifique là, qui grouille d'activités scientifiques. Mais quand même, c'est là où est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage, il y a des gens, il y a des touristes un peu plus aussi avec le temps. Donc, c'est une station qui est quand même entretenue. Et nous, ça nous permet, à partir de cette station-là, la station Novo, de se rendre à Undersea. Donc, le lac est à peu près à 120 km de la base et on y va par essentiellement par skidoo. Donc, on traverse comme ça les beaux paysages de l'Antarctique en skidoo. On amène également des gros traîneaux puis un gros container là, comme ceux qu'on voit dans les films. Donc, on a quand même a quand même beaucoup de matériel puis d'équipement à amener. Puis ça prend une journée. Puis quand on est arrivé là-bas, ben on commence le camp. Alors, quand vous arrivez là-bas, donc vous êtes sept, mais est-ce que c'est vous-même qui conduisez les skidous ou il y a du monde qui vous aide, des gens de la base qui vous aident pour transporter tout ce matériel? Ouais, ça fait partie de leur contrat de nous épauler un peu pour au moins nous amener là-bas puis s'assurer que tout se passe bien. Donc les skidoo, bah ça c'est nous qui les conduisons, mais Oui. après pour amener les containers, pour amener les gros traîneaux, ça demande des grosses dameuses là. Et ça c'est eux qui les conduisent puis c'est eux qui savent comment tout ça fonctionne. Une fois qu'on arrive là-bas, ben ils nous aident un peu à tout défaire puis à bouger les trucs où est-ce qu'on veut qu'ils soient. Puis une fois qu'on est d'accord avec ça, ben ils partent puis ils nous laissent comme ça sur le lac. Ouais, et donc là, quand vous arrivez sur le lac, ça ressemble à quoi? T'es dans quel état d'esprit? On est certainement fatigué parce que la journée a été longue, puis souvent on arrive plusieurs heures plus tard fatigué, puis même si c'est le soir, ben il fait encore soleil. Hein. Ça, c'est une des particularités de l'Antarctique, il fait soleil toute la journée. C'est pas toujours facile sur le sommeil, mais à ce moment-là, il faut quand même commencer à faire au moins une tente pour pouvoir dormir. Donc, il faut continuer à travailler. On est fatigué, on n'a pas nécessairement envie de le faire, mais c'est un peu l'état d'esprit. L'autre chose, c'est que le lac est entouré de montagnes. Donc, c'est vraiment une espèce de bassin au milieu de gigantesques montagnes. Donc, t'es un peu. Ça faisait un peu peur, en fait, au début de voir les montagnes qui sont vraiment proches, qui sont vraiment grandes. Donc, tu te fais surplombé un peu. Donc, ça faisait un peu peur. En fait, tu te rends compte que tu es dans un environnement complètement différent. Tu es en train d'établir un campement sur un lac. C'est un peu contre-intuitif. Donc, ça te rappelle un peu que tu es en train de faire quelque chose de pas mal différent, puis que ça ressemble presque d'une autre planète. J'en doute pas. Donc là, vous montez le camp, en tout cas au moins une tente, ça ressemble à quoi ces tentes-là? Il y a combien de tentes? Vous êtes un par tente pour dormir? Il y a une tente cuisine? À quoi ça ressemble le camp que vous montez? Ouais, donc il faut vraiment le construire à partir de zéro. Il n'y a absolument rien quand on arrive là, à part quelques planches de plywood, puis de 2x4, là, c'est à peu près tout. Puis c'est des tentes. Personnellement, j'avais jamais vu des tentes aussi complexes que ça. C'est pas les tentes de camping auxquelles on est habitué. C'est des tentes de grade polaire qui sont assez grandes et qui sont surtout faites très, très solides pour pouvoir être protégées contre les grosses bourrasques de vent qu'il y a en Antarctique, ou du moins à ce site d'études-là. Et on en monte essentiellement, on essaie d'en monter une par personne ou du moins une ou deux personnes pour qu'on ait un certain confort. On est là quand même quelques semaines. C'est important de préserver le moral puis d'avoir un peu son espace à soi. Donc, on essaie de faire une tente par personne. On a également une tente pour la science. Cette année, ça a été particulièrement important pour ça, étant donné que j'ai fait beaucoup de manipulations sur le lac. Donc, on avait une tente complète dédiée pour la science. Une tente pour la toilette, puis également une tente pour la cuisine. Donc ça, c'est la tente un peu sociale. C'est dans cette tente-là qu'on se rassemblait pour manger, mais également pour discuter le soir, puis juste passer du temps ensemble. Donc c'est un peu la tente où est-ce qu'on se regroupait. Donc ça, c'était la plus grande tente. C'était également une des plus complexes à faire. Puis finalement, il y avait aussi une tente pour le plongeon. Donc, ceux qui allaient plonger dans le lac avaient beaucoup d'équipement. Donc, c'était la place pour étendre leur équipement, préparer leurs trucs. Mine de rien, aller plonger dans le lac, ça requiert beaucoup d'équipement et de petites parties individuelles. Donc, il y avait une tente au complet dédiée pour eux. Ah ouais, d'accord. Et là, comment ça se passe? Donc, on voit le camp, il est quand même construit. Justement, côté cuisine, je me demandais comment ça se passe. Est-ce que j'imagine que vous n'aviez pas un cuisinier, vous étiez seulement sept, donc il n'y a pas quelqu'un qui est cuisinier. C'est à tour de rôle. Comment ça se passe pour la cuisine? Ouais, c'est une bonne question, puis c'est une question que j'avais bien hâte de découvrir la réponse, étant donné que ben, manger, c'est quand même assez fondamental, hein, donc je me demandais qu'est-ce qui allait se passer de ce niveau-là. Je dois avouer que j'ai été surprenamment surpris, disons, positivement. Donc, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on avait une petite cuisinière au butane, donc vraiment quelque chose qu'on pourrait s'acheter pour aller en camping un peu n'importe où. Donc ça, c'était pas extravagant, mais ce qui était cool, c'était le fait qu'on mangeait essentiellement de la nourriture déshydratée. Donc c'est de la nourriture d'astronaute un peu. Pour souper, du moins pour dîner, c'était vraiment des paquets de nourriture comme ça, puis c'était super bon là. Donc c'est pour ceux qui le connaissent pas, c'est juste une espèce d'enveloppe avec de la nourriture sèche, puis tu rajoutes de l'eau bouillante, puis ça devient une espèce de repas complet, chaud, plein de saveurs, plein d'épices. Puis on en avait beaucoup différentes sortes, donc ça fait que c'est rare qu'on mangeait deux fois la même chose 2 journées d'affilée. Donc quand même beaucoup de diversité à ce niveau-là. J'ai été agréablement surpris. Puis après ça, tout le monde fait sa propre nourriture. Il y a personne qui s'occupe vraiment de faire la nourriture. Il y avait quelqu'un cependant qui était là pour s'occuper de la logistique du camp, là, s'assurer que tout est en ordre, puis que par exemple que les sachets de nourriture sont dans la tente le soir pour qu'on puisse être prêt à manger. Puis donc il y avait quelqu'un quand même qui s'occupait de tout ça, là, qui venait un peu nous épauler pour que quand on revient le soir de notre journée de travail, tout soit prêt. Mais ouais, ça s'est bien fait de ce côté-là. Ok, c'est ça. Donc chacun s'organise un petit peu avec le stock de nourriture qui est là et qui se prépare sa propre nourriture. Il n'y a pas quelqu'un qui est attitré à faire la cuisine pour Non, toute non. l'équipe. Après, quelqu'un qui doit faire la vaisselle pour toute l'équipe. Chacun est un peu autonome. C'est ça, on a notre petite boîte avec notre cuillère, notre verre, notre assiette, puis on fait notre vaisselle, puis on organise ça un peu comme on veut, là. Et aussi, question de vie quotidienne, on se demande toujours un petit peu comment ça se passe, la vie quotidienne. Il n'y a pas juste des échantillons à aller chercher, il y a quand même le quotidien. Tu en as parlé un petit peu, il y a une tente toilette, parce qu'effectivement, il faut bien faire les besoins. Donc, et puis, Ah oui. on a peut-être envie de se débarbouiller un petit peu. Donc, comment ça se passe? Ouais, donc pour ce qui est de l'hygiène personnelle, bon, c'est sûr qu'il y a pas de douche, il y a pas de bain non plus, donc il y a vraiment aucune manière de se laver, à part d'avoir. Une cuvette avec de l'eau, peut-être quand même. Il y en a quelques-uns qui l'ont essayé, je crois, mais ça devient rapidement compliqué là, parce qu'il fait froid, des fois ça gèle si t'attends trop longtemps. Pour ceux qui ont les cheveux longs, c'est compliqué, c'est juste pas tant pratique. Donc, les gens prennent juste la décision de pas se laver durant le temps qu'on est là. Il y a toujours des lingettes, les lingettes pour bébé. Ça, c'est ce que les gens utilisent quand ils vont travailler dans des régions éloignées, là, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Les gens utilisent des lingettes pour bébé pour se débarbouiller en fin de journée, puis le matin. Donc, c'est pas mal la manière vraiment de se laver. Mais je dis pas qu'il y en a pas qui se lavaient pas les cheveux ou quelque chose comme ça. C'est possible, c'est juste moins pratique un peu, c'est moins confortable. Puis, on avait également une tente toilette. Donc, vraiment confortable. C'est vraiment comme si tu étais dans une toilette au sud. Il n'y a pas vraiment de différence, là. Donc, c'est dans un sac au lieu d'être dans des... au lieu d'être d'envoyer dans les eaux courantes avec un système d'égout. Puis, pour ce qui est de l'urine, ben, on avait chacun une bouteille personnelle, puis on avait des gros réservoirs, puis on faisait juste vider notre bouteille dans ces réservoirs-là, parce qu'au final, on ramène tout, hein, on laisse rien. C'est ça, on veut rien polluer, on veut rien laisser sur le site, donc on ramène tout, donc on ramène les gros barils d'urine, on ramène les sacs avec les excréments, on ramène tout ce qu'il y a. C'est ça, c'est ce que je me dis. Il y a aussi une question de traitement des déchets, bon, alimentaires, mais les déchets aussi, les propres, les nôtres aussi. Donc tout ça est ramené à la base et traité comme il se doit ensuite. Mais tout à fait. Je suis pas certain qu'est-ce qu'ils font après à la base avec ça. Je pense qu'ils font peut-être ramener ça en Afrique du Sud où Ouais. je Mais sais pas trop c'est quoi le futur de ces déchets-là, mais c'est certainement pas laissé à Anthucy pour justement préserver le plus possible le ouais. lac, là. Et puis on comprend bien que vu les conditions sur place, ça ne va pas se dégrader rapidement sur place, donc il ne faut pas les laisser de toute façon, c'est ça. Ah non, c'est ça. Ça peut rester là des milliers d'années, là. Est-ce que tu te sentais loin de la maison de temps en temps pendant t'es resté combien? 6 semaines, 8 semaines? Ouais, donc le terrain au complet était 2 mois, mais en Antarctique, on est resté 6 semaines. Est-ce que tu te sentais loin de chez toi parfois? C'est une excellente question. Ouais. Puis bizarrement, non. Ça l'a passé assez vite. Chaque journée, il y avait quelque chose à faire. Il y avait toujours des imprévus à réparer, à s'occuper. Le campement, il fallait le tenir à jour, il fallait faire la science en même temps, tout ça. Il y avait toujours quelque chose à faire. Donc non, je me suis pas senti si loin que ça de la maison, même si c'était la première fois que je me déplaçais pour aussi longtemps. Maintenant, il y a aussi quand même des questions de sécurité. Vous êtes quand même à 120 km de la base, c'est pas tout proche. Donc, si jamais il y a un bobo dans le groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est formé en premier soin? Est-ce que vous avez un minimum de matériel pour apporter les premiers soins? Oui, donc chaque personne arrive avec au moins une certification d'un de secourisme quelconque, là, peu importe, là, mais il faut qu'il soit au moins capable de faire le minimum. Ensuite, le chef de l'expédition, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il fait des missions comme ça depuis plus de 45 ans. Donc, lui a vraiment l'expérience pour ça. Donc, c'est pas un médecin, évidemment, mais c'est quelqu'un qui sait comment gérer une situation de crise, puis au moins appliquer les premiers soins. Puis, de toute façon, on a 2 fois par journée, on doit garder contact avec la base Novo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il faut leur dire, OK, donc à 8 h et 20 h, à chaque 12 h, il faut leur dire, OK, on va bien, tout est correct. Puis si jamais on manque à l'appel, ils envoient un avion ou un hélicoptère, puis ils viennent de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a vraiment un suivi 2 fois par jour qui se fait pour s'assurer que qu'on ait de l'aide si jamais on a besoin d'aide, puis qu'on n'est pas capable de leur faire savoir. Ok, donc ça doit être un petit peu rassurant quand même. Oui, tout à fait. On est loin. Mais la communication existe, puis même si la communication n'existe pas, on sait qu'on a toujours cette porte de sortie-là qui va éventuellement arriver. Là, c'est sûr que si c'est durant une tempête, ben il faut s'accrocher pendant quelques heures, quelques jours, puis se dire qu'éventuellement l'aide va arriver. Mais les gens savent où on est, ils savent exactement où on est, puis donc c'est plus sécuritaire. Je me suis jamais senti en danger à aucun moment durant la mission, là. Est-ce que, y a eu des incidents? Est-ce qu'il y a eu quelques bobos? Est-ce qu'il y a eu des choses à noter? Ouais, c'est ça. On veut pas se blesser, mais éventuellement on finit par se blesser. Des fois c'est grave, des fois c'est moins grave. Dans les années précédentes, il y a eu des très très grosses blessures quand même. Cette année, ça a été rien de majeur. Moi, je me suis blessé au genou. Puis c'était un mauvais timing. C'était à nouveau, enfin avant même qu'on se rende dans le Tessie, je me suis blessé au genou. Donc c'était un peu inquiétant. On se demandait si j'allais être capable de compléter la Oh. mission. Mais il y avait un médecin à la base qui m'a regardé puis qui a vu que j'étais en état de continuer. Donc, quelques semaines après, mon genou était correct, là. Donc, ça, au moins, à ce côté-là, ça a bien été. Mais des accidents de motoneige qui, malheureusement, peuvent arriver, hein. On est sur de la glace. Des fois, on n'est pas, les situations sont rapidement hors de notre contrôle. Donc, des choses comme ça. Sinon, il y a eu des gens qui ont tombé malades. On a presque tous eu la grippe sur le lac. Vous avez Donc, attrapé la grippe, mais il venait d'où ce virus? Ah, ça a été la grosse question. On croit qu'il y a juste quelqu'un qui l'a amené de l'Afrique du Sud, puis ça s'est développé pendant quelques jours, puis là, finalement, quelqu'un de notre groupe l'a attrapé, puis éventuellement, ce qui est drôle, on est tombé malade à différents moments. Donc, ça montre à quel point on a tous des systèmes immunitaires différents, puis qu'on développe les symptômes à différents rythmes. Ah ouais, c'est curieux ça. Donc là, il y a ces questions de santé, de sécurité, de santé physique, et puis de maladie. Mais il y a aussi la question de santé mentale quand même. Quand on est en petit groupe, isolé, il peut parfois y avoir des situations qui font surgir des sautes d'humeur, des tensions. Est-ce que c'est arrivé? Je crois pas que ça soit arrivé. Je crois que tout le monde a réussi à garder leur calme. Il y a certainement des moments où est-ce qu'il y avait des bons imprévus. Là, il y avait une grosse tempête de neige. On était en train de perdre nos tentes. Là, il faut vraiment sortir puis aller s'occuper de tout ce qui se passe. Puis il y en a qui ont peut-être un peu plus peur. Ça les effraie un peu. Sont moins portés à aller dehors à ce moment-là. Donc là, il y a des petites différences entre l'efficacité des gens. Ça peut mener à des petites tensions, mais je pense que les gens qui vont dans ces régions éloignées-là viennent avec peut-être une patience qui est plus normale que leur patience habituelle, peut-être. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on a toujours un peu notre espace à nous. Donc, on peut réussir à respirer malgré tous ces événements-là le soir quand on a fini de travailler. Donc, il n'y a pas eu de problème, je crois, à ce niveau-là. Mais un truc que les gens faisaient, je crois, pour réussir à garder leur esprit sain un peu, c'était d'écrire. En tout cas, pour ma part, j'ai écrit beaucoup. J'avais un journal, puis j'écrivais. Donc, ça me permettait d'écrire mes frustrations, d'écrire un peu mes inquiétudes, mais aussi d'écrire mes journées, puis après ça, me rappeler qu'est-ce que j'ai fait à telle journée quand je vais faire mes analyses scientifiques par la suite. Là, ça me rappelle un peu, ça permet de prendre des notes sur tout ça, mais également sur le côté... Sur le côté mental puis psychologique, qui est un côté qu'on doit vraiment pas négliger parce que si ce côté-là va pas bien, eh bien le reste ne va pas bien non plus. Donc, il faut être capable de s'écouter, puis ça, c'était ma manière à moi d'évacuer un peu mes frustrations. Ouais, très bien. Et là, à un moment donné, il a fallu lever le camp. Donc, on remballe tout, on replie tout, on remet tout sur les skidous, on rentre à la base. Ouais, c'est ça exactement. C'est exact. C'est moins long que faire le camp. C'est un peu moins. Il y en a qui sont très contents à ce moment-là. On a vraiment différentes sortes de personnes. Il y en a qui veulent rentrer voir leur famille, qui s'ennuient de leur enfant. Là, en plus, on arrivait à Noël, donc les gens étaient excités de partir. Moi, cependant, j'étais pas nécessairement content de partir. C'était le moment de partir, je comprenais, mais c'était quand même vraiment le fun comme expérience. On avait une belle vie quotidienne là-bas, mais c'est essentiellement ça. On remballe toutes les tentes, on s'assure qu'on a tous les déchets avec nous, puis on communique avec la base pour qu'ils viennent nous chercher à un certain moment. Puis après ça, on met tout sur les dameuses, puis on se rejoint à la base nouveau. Puis après ça, c'est l'itinéraire à l'envers. Donc, on revient en Afrique du Sud. Puis après ça, ben, on se sépare tous pour retourner dans nos pays respectifs. Ouais. J'imagine que tu avais hâte de prendre une douche chaude. Ouais, c'est sûr que c'était la première chose que j'ai fait en revenant dans la chambre d'hôtel. Puis l'anecdote reliée à ça, c'est que les douches dans cet hôtel-là ne fonctionnaient pas quand on est arrivé. Il y avait des douches, mais c'était des douches froides. L'eau chaude avait un mal fonctionnement, je sais pas trop, le plomberie. Donc, on a tous eu des belles douches froides à notre tour. Donc, Magnifique. te voilà revenu maintenant au Québec. Est-ce que, bon, j'imagine que là, on n'a pas parlé de l'expérience scientifique, mais ce sera pour une prochaine fois. Tu vas revenir nous en parler dans quelques semaines, je pense. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que ça te donne envie de repartir, en fait, cette expérience humaine que tu as vécue? Est-ce que tu es prêt à repartir? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Pour l'instant, j'ai ma place réservée pour la prochaine expédition de l'année prochaine. Donc, j'imagine que ça montre que j'ai fait un bon travail puis que j'ai su m'adapter suffisamment bien. Après, c'est de savoir est-ce que j'ai besoin d'y aller. Est-ce qu'il y a des analyses qui méritent d'être faites? Est-ce qu'il y a d'autres échantillonnages qui pourraient complémenter ce que j'ai déjà fait? Ça va se savoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, alors que je vais analyser mes résultats puis interpréter tout ça. Puis, s'il y a des bonnes questions scientifiques qui émergent de ces conclusions-là, ben évidemment que je vais y retourner, puis ça va être vraiment le fun. Ah ouais, très bien. Bon, ben là, maintenant qu'on voit mieux un petit peu les conditions humaines par lesquelles tu es passé, bon, on va vouloir savoir le développement scientifique de tout ça. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois où tu vas nous raconter l'expérience scientifique de cette Ça mission. marche. Super. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Nous étions en compagnie de Daniel Filion, qui est étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski. C'est la fin de Futur Simple, mais on se retrouve la semaine prochaine. Il sera question des conséquences des changements climatiques sur la forêt. Et pour le moment, je passe le micro de CKRL 89.1 à Cassiopée Lemoine qui va nous accompagner pour la prochaine heure avec En aparté. Septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre, mal si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour, mais quel mal me prit de m'éprendre de lui. Sale décembre, comme il est lourd le ciel, sais-tu que les statues de sel ont cessé de t'attendre? Pâle septembre, entends-tu le glas que je sonne? Je t'aime toujours. never ever know if he is still alive. I'll never reach the sun. Sans cendre, il serait temps de s'entendre.